On est en direct dans la 25ème. C'est parti. 22h. Je suis que des passages, pourquoi minuit. Des fioles, pourquoi des dodan, la vie Ciao, de Jounes. Il y a RTZ qui est là avec nous. Il y a Gra qui est là aussi. Il y a mon gars Booms aussi qui est passé par là, qui s'est arrêté. Attends. J'ai pas encore mis les micros. Allez, on va envoyer les micros. Yes, Jounes, ça va ou quoi, mon gars? Ça va et toi, mon gars? On est là, sur le plus du soir, 22 minuit. Yes. En place. Si. Jounes, bon, déjà avant de balancer notre petit jingle, on a travaillé fort. Je voulais faire un gros big up à tous ceux qui étaient venus à l'émission la semaine dernière. Ouais. On était une quinzaine. C'était lourd. Il y avait des mecs d'un peu partout. Il y avait du jeune, du moins jeune. Très ancien, oui. Et ça fait très plaisir, les gars ils sont venus, bonne ambiance, ça a kické pendant une heure. Après bon, il y en a qu'on suivi un peu plus tard dans la nuit, mais ça on n'en parlera pas dans l'émission. Donc ce soir, la 25ème, avec comme tous les deuxièmes jeudis du mois, la petite chronique à Jojo. Hey. Et en deuxième heure, on va recevoir la balistique qui arrivera tout doucement à partir de 23h. Mais avant tout ça, mon gars Juju, est-ce que tu peux nous envoyer ce jingle, mec? Let's go, c'est parti pour la 25ème, les gars. La 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Jounes, 22h minuit. Radio-sud.net 101.8. Vas-y, remets-le. On passe le pull-up. Radio La 25ème, tous les jeudis. Ciao, Jounes, 22h minuit. Radio-sud.net 101.8. Yes. Merci mon gars. Pas mal, on est pas mal. Ok, alors ce soir, on a un grand monsieur du rap bisontin qui est avec nous, qui a décidé de venir faire un peu une chronique une fois de temps en temps avec nous, s'essayer aussi comme nous à la radio. C'est mon gars Rizzo, RTZ. Bonsoir les gars, bonsoir à tous les auditeurs. Si. Ça va ou quoi? Ça va et toi RTZ? Ça va, on est là pour la première. Yes. Si. J'étais déjà là la semaine de jeudi dernier pour le petit freestyle. Mais j'étais dans mon travail. Là, c'est nouveau là. Ok. C'est nouveau pour moi. Donc j'interviendrai une fois par mois avec la petite chronique à Jojo, ce qu'on appelle la petite chronique à Jojo. Donc je parlerai un petit peu de tout au niveau du rap en général, du hip-hop en général. Yes. Et voir même de divers autres arts qui sont apparentés au hip-hop. Ok. Si. Bah, je vais te faire un petit jingle alors moi aussi. Allez, ah, envoie le jingle. C'est la chronique à Jojo. Yeah. Bah pour la première petite chronique ce soir, donc j'avais décidé en fait de parler des anciens groupes de rap français, ouais, qui s'étaient réunis en fait en l'année dernière et cette année. Donc ce soir je parlerai d'ATK, yes, d'Ultimatum et de Sniper. Parce que c'est quand même trois gros groupes quand même dans le rap français qui reviennent au devant de la scène et qu'il fallait préciser parce que c'est quand même du lourd. Yes. Avant ça, ma gueule, si ça te dérange pas, je voulais passer deux sons tranquillement. Sans souci. D'un mec qu'on appelle Nas Pacino. Donc c'est un mec qui est revenu entre guillemets dans le Peura, parce qu'il rappait déjà il y a quelques années, il avait un autre blaze. Et Nas, il est revenu là, il est chaud, il est dans un mood un peu quinri. Donc là, je vais vous passer deux sons, c'est Stupid Drip et Rockstar. On est en direct dans la 25e, 22h minuit, tous les jeudis. Si vous voulez retrouver les sons de Nas, vous allez sur YouTube, Nas Pacino, et son Insta, c'est nas.pacino. N-A-S-S. Pacino, yes. P-A-C-I-N-O. Exactement. Voilà. Yes. On va envoyer ça. C'est parti. Parano comme Kadhafi. j'vois tout purple, j'bois ma ligne. Yo, il me faut la queue de Cali. Yo, il me faut de l'eau et de la weed. Yo, comme El Chapeau centralise. Yo, je vise les cibles puis ma cible. Yo, je fuck les cops, j'casse ma cible. Hey, hey, yo, hey. Moi c'est Nassim, la gâchette facile. Yo, nos vies c'est un film. Yo, un putain de movie dans lequel j't'assassine. Yo, j'commets mon crime, j'quitte la meule de cime. Yo, hey, j'voudrais tout le bien pour mon fils ou ma fille. Hey, avis de tempête c'est la merde mais j'navigue. Hey, on sera devant le sun en Valis. Hey, et j'sais que tout est gars valide. Wow, j'glisse en coffee. Hollande à la peuf sous vide. On va très vite, sois voir rapide. On taille, je n'ai riche. Hey, la street nous a pourri. Wow, on court à notre heure pour sourire. Hey, à peine j'commence à écrire, puis le démon prend de l'emprise. Wow, girl pas de galanterie. Hey, j'sais que ce monde te rend triste. Hey. Yeah, yeah, yeah, c'était Nas Pacino, Stupid Drip. On va enchaîner la suite avec Rockstar. Pas du tout ça. Okay. C'est parti. Désolé, ça a bugué. La 25ème, tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h, minuit. Radio-Sud.net. 101.8. Yes, si. Donc c'était Nas Pacino. il y avait le son Stupid Drip et le son Rockstar qui sont sur sa chaîne YouTube, Nas Pacino. Son Insta, nas.pacino, pour ceux qui voudraient peut-être discuter un peu avec lui, ouais. etc., etc., etc. Jounes. Ouais, ouais, ouais. Qu'as-tu à dire ? Bah, sur le son, c'était pas mal. Hein. C'est assez cloud, c'est pas mal. Pour du son fait d'ici, on est pas mal. Hein. On est dedans, on comme est quoi, dedans. On n'a rien envie aux autres. Hein. On est d'accord, je suis d'accord avec toi. Exactement. Bon, ce que je te propose, c'est que tu nous rebalances un petit jingle et après on passe à Jojo. La chronique de Jo. C'est la chronique de Jojo. Le petit Jo. Let's go. Radio Sud. La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h, minuit. Radio Sud.net. 101.8. Bah bonsoir à tous. Yeah. Bon, voilà, comme je l'ai dit, ça sera la petite chronique de Jojo. Ça sera une fois par mois, le jeudi, le deuxième jeudi du mois. Et à chaque fois, on parlera un petit peu de tout. Donc ce soir, on va discuter donc, des anciens groupes de rap français qui sont réunis là, entre l'année dernière et cette année. Donc on va commencer par les grands frérots d'ATK. Je ne sais pas si vous rappelez d'ATK à l'époque. Avec toute l'équipe, enfin avec nous qui nous avait bien marqué, ce gros collectif qui nous avait bien marqué. Donc en fait, ATK à la base, c'est un groupe originaire de Paris, formé à peu près en 95. ATK, c'est la contraction de Avoue que tu kiffes. Donc à l'époque, ça bossait le mic, chacun avait son style. À la base, ils étaient beaucoup. Après, ça s'est réduit, ils étaient à l'époque formés de 7 personnes. Donc il y avait Axis, il y avait Cyanure, il y avait Frécodingue, Test, Antilopsa, anciennement Fredica qui est décédé par son âme, et DJ Tactile. Et voilà, donc à l'époque, il y avait dans les premiers projets qui étaient sortis en 93, il y avait Microtest. Donc c'était vraiment leur premier projet qui était sorti, donc qui avait inondé un peu au niveau des sons. Et par la suite, en 98, ils sont sortis l'album Heptagone, qui pour moi, ça a vraiment marqué à l'époque le hip-hop en France, pour moi personnellement, de ce que je pouvais écouter en général. C'est pas l'octogone. C'est vrai, non, c'est pas. On parle pas chinois. Pas parler chinois ici. Et non, à l'époque, c'est vrai qu'Heptagone, pour moi, en 98, c'est l'album vraiment qui, entre guillemets, les a révélés, parce que bon, après, ça, c'est à mon avis à moi et au niveau de l'écoute. On aura par la suite pas mal de projets donc, qui sortiront, donc, dont les compilations Oxygène. Donc il y a le Oxygène volume 1 qui était sorti en 2003. En 2004, on avait Oxygène volume 2. En 2005, il y avait le volume 3. Et si vous voulez, en fait, les compilations Oxygène, c'était des compiles de sons, par exemple, des sons qui n'avaient pas été forcément mis sur les albums ou quoi que ce soit. Ouais, ouais. Hop, voilà, ils faisaient des compilations d'un petit peu des sons qui étaient sortis, d'autres sons qui étaient à gauche et qui n'étaient pas... forcément mis sur le devant. En 2006, on a une réédition d'Heptagone, l'album dont je vous parlais. Et donc, en 2007, on aura Silence Radio. C'est pareil, c'est de la compile. En 2009, il y aura FK pour toi. Donc, c'est en mémoire à Fredica. Et donc, en 2018, il y aura l'Oxygène volume 4. Donc, compilation là, qui retranscrit justement tous les sons qu'il y avait avant. Et en 2018, la reformation d'ATK avec l'album On fait comme on a dit, donc qui est disponible partout dans les Fnac, tous les magasins en France, tous les sites de téléchargement légal. Donc moi, ce que je propose, c'est d'écouter un petit son donc à l'ancienne d'ATK de 98 qui s'appelle Attack à Mike Armé en featuring avec Xoxy. Lourd. Et pour faire un petit remember. Et après, on écoutera le dernier son, titre de l'album qui est sorti cette année. Donc, on fait comme on a dit. C'est parti. Je ne connais pas l'amour paternel, mais je connais les 400 coups. Un jour, je connaîtrai le tunnel, celui qui me mène au bout. La société dans laquelle nous vivons, c'est bats-toi comme un mouton face au lion. Ce que je vois, ce n'est pas la télévision. C'est tirer sur tout le monde comme dans le putain de... moi y a-t-il du bon? Non mais franchement fréco, un scarla est un scarla. C'est pas en claquant des doigts qu'on va changer, en vive la loi. Derrière nos blocs, la solidarité n'existe pas. F-R-E-K-O, fréco. Comme Mesrine, Mesrine, assassine NT, virgule. Ma passe à signer au studio. Une fois le contrat signé, le travail est en studio. Ma voix sur bande audio, sourire radieux. En concert ou sur onde radio, oh Dieu. Je m'adresse aux dieux. Qui change cette merde. Mon dioxyde se propage grâce à mon mic armé. En tu réincarné, des passes plein incarné. Mon mic, mon blaster. Pas un choix à la Bill Baxter, même dans les backstage. Les gars stage, comme si c'était Foxy. Mais c'est là que les crew et Toxy. Qui faut dire les noms, fait courir le bruit. La bonne nouvelle donne à tes potes. Tout pour qu'ils pécho le son de la nouvelle. Donne paix à mes potes. Soit connu jusqu'au Missouri. Lorsqu'on rappe les Missouri, faire attention aux nègres qui s'identifient à ceux d'Harlem. Ni dans la rue, la scène, c'est la reine. C'est la même, la reine de la haine t'a charmé. Attaque à Mike Armé. Yo, voici le critère, l'ambiance est critique. J'pratique le mic fou. Test du mic de face, fais son boxon, rien à foutre, j'm'en fous. Pélé, j'porte des baguilles, pélé, pélé. J'vais t'épélé, mon aime. T'es mec, c'est comme ça que tu dois m'appeler. La Black Star. Qui t'émerveille, voit son avenir dans le tarot taré. Je les dépose sur carreau, mon crew est paré. J'attaque du mic armé, les frères qui t'ominent, t'as son vibro. Même si t'aimes pas encore, je sais que sur mon site tu vibro. Son dit Mike, je fais du rap contact con condo. Et je pars en bike, car je n'ai pas encore assez d'eau. Ouais. Ils veulent se faufiler, mais quand les gris ils disent tous faufiler. Prends tous les faux, rassemble-les, mets-les dans un filet. Se défiler, c'est leur spécialité. J'attaque à Mike Armé, ramène ta cité. Pour notre concert, viens donc t'exciter. Le 5-7 pilier, impossible à plier. Pour paroles plus dures que l'écorce d'un peuplier. A tous nos concerts, viens faire un tour où le peuplier. A TKZOXA, remue ton boule, te fais pas prier. J'attaque à Mike Armé, je braque les fous, j'ai le flair comme Mike Hammer. Quand je lâche une face dans les yeux des nègres, je vois la splendeur. Demandez-leur, ils diront que nos styles valent bien plus que diront. ATK, le crew qui prend du poids comme un gars obèse, grossi comme une gant cloque. Un maximum de phases en tête, j'ai comme Test et Freddy. Tu veux de bonnes phases, paye les hauts comptants et pas à crédit. Je me fais des ennemis dans le public comme Flav of Flav ou Chuck D. Mais rien à foutre, au nom des miens, je parle comme Indira Gandhi. J'ai le rap propre, faut pas le salir pour toucher, porte des Gandhi. AT crew, j'espère qu'on percera pour vivre comme des dandies. Soit connu jusqu'au Missouri. Lorsqu'on rappe les Missouri, faire attention aux nègres qui s'identifient à ceux d'Harlem. Mais dans la rue, la scène, c'est la reine. C'est la même, la reine de la haine t'a charmé. Attaque à Mike Armé. T'as vu l'une ce qu'elle sait, des plaies ce qu'elle sait. Maintenant tu sais que c'est FK, maximum de phases. Dès qu'il s'agit de WAM. Non. Dès qu'il s'agit de WAM, tout tombe des blagues back. Si Fatka m'a vu balayer la place, d'autres bébous, si pas le bégaye. Parti back après décalé, les voix, j'ai plus comme si pagaye. Je faire le bon du pont du con qui pond des sons au fond. Similable au mien, FK malsain retient. Maximum de phrases, cousin, j'écrase, embrase les phrases nazées, les gars, à mon passage. Mon test est goût sur toi, garçon, fuite sur ton visage. FK, je représente mes potes, remix son ego trip. En fit, tu rines, faut pas que tu rines, ou ZOX, t'es trip. Maximum de phases au mic, les wax sont mis au trou. Mais passe entre les fissures et fissures qu'ils te rendent dans le bon trou. Maximum de phases. Yo, devant les gars, j'ai gadget. T'as voulu faire le beau Joja. Avant, t'avais pas jet, mais voulais être fly comme un Kojo. MC savant, mais les MC savaient même s'ils savent. J'ai boule comme des sables ou les explose comme mes premières avances. Hurle quand les sages mènent la cadence. Pure le message, je balance sur la piste. Lance ça pas dans ses jures. Pour le futur, plus d'amour qu'un femme. Lover, si on rime tes gammes. Over, appelle le bon âme. Sauveur, Soxy. En sage langue, on dit Zozo Xizi. Au micro, j'ai pas de gang, mais pour te niquer, juste un gros Zizi. Attrape mes couilles comme Rouillo. Aime les femmes comme Coulio. Avec ma reste cool ou Vincent Coulo. Shaitan, t'es Dan au fait. Dan t'avais prévenu. Ton style pue comme ton trou du cul. En direct avec ATK, tu sais que j'ai la TK. Et quand le match check, mec direct ça sent la schneck. En direct avec ATK, tu sais que j'ai la TK. Et quand le mic on check, mec direct ça sent la schneck. En direct avec ATK, tu sais que j'ai la TK. Et quand le mic on check, mec direct ça sent la schneck. En direct avec ATK, tu sais que j'ai la TK. Et quand le mic on check, mec direct ça sent la schneck. En direct avec ATK, tu sais que j'ai la TK. Et quand le mic on check, la nouvelle donne on a la TK bébé. Aïe, je pose au WZ. Ah, TZ Casa. Jingle direct. Yeah. Radio. La 25e. Tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h minuit. Crac-crac radio sud.net. 101.8. Voilà, donc c'était Attaka Mike Armé en featuring Exoxy. Donc, comme vous avez pu entendre déjà à l'époque, au niveau de tout le collectif, ils étaient très techniques. C'était de la rime taffée très, très, très, très technique. Et il y avait, malgré le nombre de personnes qu'il y avait, il y avait bien des styles différents, prédéfinis, qui chacun se démarquait quoi, en fait, à l'intérieur du collectif. Ouais, ouais. C'est ça qui était intéressant avec même différents collectifs à l'intérieur du collectif. Quoi. Donc, c'était, voilà, c'était ATK, donc les frérots, leur album On fait comme on a dit, il est disponible partout, comme je vous ai dit, donc ouais. Dans tous les magasins disquaires spécialisés, sur internet, sur les plateformes gratuites. Pour aller voir un petit peu ce qu'il en est du collectif, vous pouvez aller voir donc sur les Insta, c'est ATK, et rejoindre même les pages Facebook, il y a les pages Facebook avec l'actualité du groupe, voilà, tout ce qu'il y a sur eux. Un gros big up à eux, parce que moi personnellement ça me fait plaisir qu'ils soient reformés, parce que c'est un groupe que j'affectionne beaucoup. Et je connais pas mal de tontons, donc gros big up à eux, je sais qu'ils nous écoutent. Voilà les refs. Yeah. Et on terminera justement donc par leur son d'album. Donc le titre de l'album, On fait comme on a dit. C'était pour ATK, ATClick. On fait comme on a dit, on l'avait promis à Freddy, ma lettre au paradis, amertume en armodie. J'écris, à cran, je veux crever l'écran. Ma vision se déforme comme dans Elephant. Bien plus important que le bif éléphant, car après une montée, y'a toujours une sacrée descente. Avoue que tu kiffes, c'est le flambeau. On écrit depuis l'époque des Reebok Pump et John Rambo. Des moments valeureux, des moments douloureux. La somme de ces choses m'a rendu douteux. Depuis que tu es parti, nous sommes amputés, t'inquiète, la plume demeure aiguisée, demeure affûtée. On fait comme on a dit, pas facile mais on a dit. Attaque à Mike Armé 20 ans après, alors je fais du bruit. Je vote contre vents et marées, voici façon de mourir. Les rêves partent en fumée, les nôtres continuent à vivre. Méfie-toi pas de vie sans haine, ni douleur profonde de ma mort. Un témoignage sans divergence pour tous ceux qui écrivent encore. Chacun sa croix, tricher, tuer ou mourir, fais ton choix. Je veux réussir, c'est mon destin, alors faut marcher droit. Il verse un sourire pour mon encre en guise de larmes. Flashback sorti de l'ombre sans relâche, toujours fidèle au rap. On parle peu, impalpable c'est grave parce qu'elle s'inquiète. Un de 1,5 quand elle se gagne de l'Est, rien ne m'arrête. On fait comme on a dit, car les paroles restent. Le stylo sur une feuille pour la beauté du geste. Les écrits sont nos écrins, la parole irradie. On va pas vous mentir. On fait comme on a dit, car les paroles restent. Le stylo sur une feuille pour la beauté du geste. Les écrits sont nos écrins, la parole irradie. On va pas vous mentir. On fait comme on a dit. Toujours froid, je me fie qu'à mon avis. Signe de croix, seul au front, on fait comme on a dit. Ma ville est froide, on l'appelle la fille de glace. J'angoisse, je ne suis pas joisse dans les bras d'une fille de joie. Elle m'a donné son email, j'ai fait couler son rimmel. Condition humaine, du même au conditionnel. Le cœur est emmuré depuis ce jour et d'un coup me parler, c'est comme murmurer à l'oreille d'un sourd. T'as raison ou pas, on fait comme on a dit. La prison, maladie ou pas, on fait comme on a dit. Le temps est orageux, ouais. Ça sent l'hémorragie. De morageux, courageux n'a pas réagi. On fait comme on a dit, rien à foutre de ton avis. Jamais trop vieux, me dis pas comment faire ma vie. On s'était dit qu'on se retrouverait pour un nouvel album. Les paroles restent, y'en a beaucoup que ça étonne. On le fait pour Kesdo, pour Guy, pour Alexa. On le fait pour nous, on le fait pour toi, on le fait pour FK. On continue, mais sans toi c'est différent. Comme on a dit, on met de côté nos différends. ATK, plus qu'une simple histoire de pote. On a effleuré le succès sans jamais toucher le jackpot. Maudit ou pas, on fait comme on a dit. On le fait pour Shifumi, pour Hades, des repentis. On fait comme on a dit, car les paroles restent. Le stylo sur une feuille pour la beauté du geste. Les écrits sont nos écrins, la parole irradie. On va pas vous mentir. On fait comme on a dit, car les paroles restent. Le stylo sur une feuille pour la beauté du geste. Les écrits sont nos écrins, la parole irradie. On va pas vous mentir. On fait comme on a dit. Comme on a dit. Comme on a dit. Oh, ATK. ATK. Comme on a dit. Comme on a dit. Oh, oh. On le fait. On le fait. Oh, oh. Comme on a dit. Comme on a dit. Comme on a dit. le fait. Radio Sud. La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h, minuit. Radio Sud.net. 101.8. Voilà, maintenant on va enchaîner par un autre groupe qui s'est reformé, là, qui est en train de monter. Et puis que, pareil, ça me fait super plaisir. C'est Ultimatum. C'est un groupe qui vient des Ulysses, dans le 91. 9-1. Ouais, grave, frère. C'est vraiment le plaisir, je crois, ouais. Avec ATK, des plus gros plaisirs de reformation. Mais RTZ, qui puisse se faire. Ouais, j'ai posé une question. Pourquoi le 9-1, c'est un département qui fournit des talents. Des talents, ouais. Depuis longtemps. Frère, t'as vu, ils sortent beaucoup de talents parce que aussi c'est une manière de rapper. Mm-hmm. C'est une manière de rapper parce que bon, chaque arrondissement à Paname a ses talents. Ouais, ouais, ouais. Mais chaque arrondissement aussi, moi je trouve un peu sa manière de rapper. Ouais, ouais, ouais. Et le 91, c'est ça job la rime de ouf. Crap, ça y est, c'est une direction de dingue, quoi, en fait, tu vois. Yes, yes. Donc Ultimatum, c'est un peu gros qui s'est formé en 98 à peu près, et qui dedans il y a R2ENO, il y a Fix, il y a Gros Dash, il y a Templar, il y a John Steele, et en entier à l'époque il y avait KID, PKR, Jorka et Cynic. Cynic qui marchait, vu que c'est un mec des Ulysses, qui marchait beaucoup avec la team, et il y avait DJ Mist aussi. Donc aujourd'hui, Ultimatum, ils sont sur un nouveau projet, ils sont de retour. Ça fait d'ailleurs super plaisir, comme je le dis. Donc aujourd'hui, il reste Rino, Fix, Gros Dash et Templar, avec John Steele au platine. En termes de discographie, on a eu, il y a eu les premières mixtapes, les Atomes volume 1 et 2. Donc la première qui a été en 97-98 et la deuxième qui a été en 2000-2001. C'était les mixtapes. Voilà, ils sortaient, il y avait beaucoup d'invités. Ils ont à l'époque beaucoup de gros MC qui ont répondu sur la compile. Et après, en 2003, ils nous ont sorti un album, c'est Les Anges Pleurent et La Rue Chante, où là vraiment on a pu constater du potentiel d'Ultimatum tous ensemble. C'est vraiment de la face travaillée. Pareil, ils sont une entité où il y a pas mal de MC, mais des styles différents. Pareil, efficace dans l'efficacité, avec même si chacun a un peu des thèmes de prédilection différents, tous réunis, voilà quoi, ça donne une grosse fusion et c'est de la tuerie. Ouais, ouais. On va passer un petit son 2. Donc qui s'appelle justement Les Anges Pleurent et La Rue Chante, extrait de l'album qu'ils avaient sorti à l'époque, en fait. Ok. C'est parti, on envoie. Écoute. C'est la rue qui chante. Quoi ? Je l'avais jamais entendu ? Moi j'ai vu trop de potes partir au ciel, d'autres le calibre au bec, putain merde. Est-ce que Dieu se prend pour Martin Scorsese? Les barils et suites, pareil que les petits dans le bas allume des splits. Pour Mathis, les flics, Paris s'éclipse, c'est la rue s'exprime. Écoute sa voix. On prend des claques, on se braque, le stylo bave, tout ça c'est pour sa gloire. Je passe du bon temps, tous les manques je compense, on se comprend. Mes joies c'est peine, mes humeurs c'est bon. On l'a tous ma gueule, donc on l'a tous ma gueule. Ma gueule. Tous malheurs sous le marin, donc j'ouvre ma gueule comme Soum Carter. Quand la street t'observe, tu fous le poisson. Prends ton béni blanc, quand faut que ton film soit voir son fils. Si je connais déjà la fin, je serai là pour l'autopsie. Flingue, longue autonomie, tu sens sur son polo jean. Soir à gêne, c'est un suisse pour un mort flic. Je fais mon pronostic de demain, c'est trop l'hostie. J'entends la rue en train d'amusant trop de sentences. Dans le pourcentage, des tours s'entassent depuis 100 ans. Assis sur la boucle, je ferme ma bouche. Facile et pratique, boum, moi j'ai la figure sale. Je vis dans un cul-de-sac, jamais vaincu. Cher la ceinture, je suis sincère, le reste on verra plus tard. Nous on calcule pas en perspective, on a du taf comme excessif. Ou mes 16 rimes pour l'esthétique, tout reste possible. Sous explosif, vaut mieux rester pisse devant les képis. Ferme-la, moi, je vais skiller les manchettes. Les peines augmentent comme aux enchères. Et nous, on veut niquer le grand chelem. J'entends la rue qui me dit R2E, je suis ta femme. Dois m'occuper des miens, même les jours où j'ai le cafard. Rafale de bastos, j'en ai marre que la rue me parle. Tout le monde est en danger, danser sur ma rumba. Les anges pleurent. joueur et un mutant. Mais pas comme Tiana Ross. Elle met des coups, elle blesse. Souvent sa force frappe à la porte. Je rêve de la street life au firmament. Les gens l'ont vu maintenant, elle s'est changée en phénomène. J'entends sa voix, à tous ils se sentent comme gospel. Mais quand on opère en 12 frères, c'est une aubaine. On baigne pour certains dans l'illicite. Quand son flot t'excite, tes bêtises passent sur BBC. Oh non, elle peut faire de nous des stars. Destin estimable, on te reconnaît rien que d'un regard. Mais quand on traîne tard sur les boulevards, ça part en bagarre et d'un seul coup sa voix s'égare. Elle est bien plus charmante que Mona Lisa. C'est paradisiaque, problème c'est qu'on est facilement localisable. Moi j'aime tout de la rue, à part les rimes, les stupes. Pourrais-je faire un tube avant d'y perdre tout. J'ai pas le chant des sirènes, on me tend des pièges. C'est sans répit mec, je suis toujours dans le périmètre. La rue m'appelle, la vie m'appelle, viens enterrer mes nuits blanches. Allume ma cierge pour tous mes rêves, viens enterrer vivant. Sens-tu l'emprise qu'elle a sur toi quand t'es sans tune dans le jean. Quand tu rentres ivre, je parie d'or avec les ambulances crient, je pète un plomb. À deux doigts dans tête d'un venin dans mes veines et mon destin dans ses mains. J'assume pas, j'en suis même. Faut que je pars du ciment, les six sens s'en éveillent. L'ambiance hallucinante attire les bambins. Je fais partie des pantins. La street me rend dingue, donc j'abîme des enceintes. Tant que chasse sur ma ville, ma rue vu la piste. Unanime, on l'aime tous, même si c'est dur à dire. Si t'entends ces voix là, ça veut dire que la rue parle. La bus pas, t'as plus de balles, donc enclenche l'allumage. Les anges pleurent et la rue chante. Les anges pleurent et la rue chante. Les anges pleurent et la rue chante. Les anges pleurent et la rue chante. Radio Sud. La 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao Jounès, 22h minuit. Radio Sud.net 101.8. Voilà, donc c'était Les anges pleurent et la rue chante du groupe Ultimatum. Donc bon, bah, comme vous avez pu entendre, voilà, c'est pareil, ça taffe la rime, c'est technique. Chacun a son flow, chacun apporte sa puissance à l'intérieur du groupe. Et voilà, ça donne vraiment le bon rap à l'ancienne, bien tapé. Donc bah, pour leur retour, au niveau des projets, là vous avez donc une nouvelle mixtape dispo en téléchargement gratuit, carrément. Donc vous avez juste, il y a l'Instagram Ultimatum que vous pouvez rejoindre. Aussi sur Facebook, vous pouvez aller sur Facebook. Ils sont présents aussi à la page Ultimatum sur Facebook. Et voilà, vous avez une mixtape qui est sortie là, qui est toute propre, toute nickel, et que vous pouvez télécharger gratuit avec une compilation des meilleurs sons de l'équipe, des sons à l'ancienne. Un petit peu de bonbon rap, du bonbon truc bien lourd. Et bah, au niveau des projets futurs chez eux, donc là, je peux vous dire qu'il y a un petit projet qui se prépare donc avec Many Days, donc qui sera exclusivement produit par Many Days. Ouais, Many Days, hein, pareil, beatmaker de Paname à la base, gros, ouais. Beatmaker qui travaille avec pas mal de monde, et très talentueux, pareil, petit big up à lui d'ailleurs. Et voilà, ça sera donc un EP donc qui vont exclusivement bosser avec Many Days, et puis qui devrait sortir courant 2019 si tout va bien. Donc voilà, gros big up à l'équipe, parce que je sais aussi qu'ils sont à l'écoute, gros big up à eux. Et voilà, pour Ultimatum, je finirai par un son moi qui me tient beaucoup à cœur et que je surkiffe par-dessus tout. Ça sera donc le son de R2E et PKR. PKR qui n'est plus dans Ultimatum simplement parce qu'il a arrêté de rapper, mais qui était pour moi un gros MC rempli de talent. Voilà, donc tout de suite. Le son de R2E et PKR. J'ai tant désiré quand je décide de faire des fantaisies. Les gens débiles se débinent. je débite sans calculer le chiffre d'affaires. Et si tu veux me carotte, je suis précis, je vise la tête. Disparaître, non merci, je bise avec des types du Ticard qui m'ont rendu de bons services. Moi je suis un chômeur, j'attends pas les ascédiques. J'ai pris ma retraite avant que j'ai du mal à sépiter. À vrai dire, j'y réfléchis, normal, je me fais plaisir. Connard, vaut mieux rester pisse. Dommage, j'ai pas de domac pour les gros mages. Rétrograde, la roue a tourné trop tard. Aucune solution, faudrait demander à Chirac pourquoi aujourd'hui y'a pas de nouvelles de Benaïssa. Demande à Pouki ce que c'est que de perdre un proche. J'ai perdu un pote alors qu'il avait les mains propres. Sacrifice entre les mandats et les parloirs. J'ai pas eu la poisse, c'est dur, moi je suis hors la loi. J'fume, j'dors, mon son c'est du Wu-Tang. Cousin, c'est comme ça et c'est tout simple. Dis-moi PK, pourquoi je blesse mes parents? Je leur ai volé un fils, je voulais pas le rendre. Que Dieu me pardonne pour le mal que j'ai commis. La rue c'est trop hardcore, on y voit que des comiques. Tu veux savoir qui je suis? Attends la suite, si t'arrives à suivre, frère de ceux, c'est pas la suite. En tout cas, nous v'là, sans camouflage, les flics tuent des innocents. Et pas la poucave, les jaloux normal, dis-leur, c'est éphémère. Depuis le 7 juin, on s'est tous sous les pénétraines. Moi c'est R2E et PKR, j'ai été témoin, t'inquiète pas, tu feras la même. Tu sais, ils s'entassent et s'enchaînent. Ma vie c'est l'histoire sans fin, un gros cube sans frein s'enchaîne. Entre la famille et les amis, R2, dis-moi comment vivre le bonheur sans les ennuis. Une larme baisse plus qu'une âme quand c'est ta mère qui la verse. Point faible de l'homme qui se croit préservé. Souvent c'est vers et le père, car c'est vers la bonne direction que pousse le Coran et ses versets. Les liens de sang sont intouchables, sacrés comme le respect du cadet à l'aîné qui lui est responsable. Tout ça me rappelle petit l'époque Bagdad, la guerre à la maison, chacun campe sur ses positions. Dehors la merde, dedans la même, devant la mer qui prend les rênes. J'étends la haine, et puis les tours poussent et les jours passent. Maintenant à DJ fait un très blessant sur le pass. Et je retrouve la mémoire, je retourne tous mes morts. Quand je remémore les trucs qui m'écœurent, le constat, la rue a pris un petit sans contrat. Que du compact, y'a pas de combat sans contact. Je donne de la valeur qu'aux choses que je crois essentielles. Mais je me méfie d'un menteur si il est sincère. À quoi ça mène si la police s'en mêle? J'aime pas ces PD, je les ressens comme la gangrène. Traîner dehors tard, j'ai plus trop envie. Range des traumatismes car j'aime trop ma fille. Et ma femme, ma mère, ma sœur, paix à son âme. Pour toi les frères, garde la main sur le cœur. Pourquoi lui pleure? Pourquoi lui chante? Pour répondre, on a sorti les anges pleurent et la rue chante. Radio la 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h minuit. Radio-Sud.net 101.8. Voilà, c'était Ultimatum. C'était R2 et PKR. Vision d'un monde vicieux. Donc, gros morceau, gros qui cache de ouf. Voilà. Et là, ben, pour finir donc la petite chronique, on va finir par Sniper. Parce que Sniper, mine de rien, aussi, ils sont remis ensemble là, c'est entre l'année dernière, enfin voilà, milieu de l'année dernière par là. Ça c'est des choses de notre génération. Ça, je rappelle Sniper. Quand même Sniper, donc Sniper c'est Aketo, Tunisiano, Blacko. À l'époque c'était DJ Bouge au platine, c'est groupe issu du 95, donc Val d'Oise, de Deuil-la-Barre. Donc pour faire en vite fait, le groupe il se rencontre à peu près en 97. Et décide de former au tout départ ce qui s'appellera Personnalité Suspecte, qui passera ensuite par Purse Night et finira par Sniper. Sniper. Voilà. Donc là en discographie, en 2001, il y a l'album du Rire aux Larmes. Donc chaque album, chaque sortie a fait des ça a été un bordel monstre dans tout le rap français à l'époque. Back. Donc de 2001 il y a du Rire aux Larmes, 2003 il y a Gravé dans la Roche. Lourd celui-là. Gravé dans la Roche, il a vraiment cogné de chez cogné. En 2006 il y a Trait pour Trait. Et quand on parle de Sniper, on est obligé de parler aussi des ennuis qu'ils ont eu. Ennuis de justice, parce qu'à l'époque l'État considérait que bon, c'était quand même un groupe engagé, qui n'a jamais hésité à dire ce qu'il pense, à dénoncer. Donc forcément... Monsieur Sarkozy, ça ne lui a pas plu à l'époque.

Jounès. 22h minuit. Radio-Sud.net 101.8. Aïe. Donc voilà, gros son de Sniper. Sniper toujours actif, toujours. Et ouais, ça fait bien plaisir aussi que, qu'ils soient remis ensemble. Donc là, il y a eu aussi en 2011 le projet À toute épreuve qui est sorti. Et là, en 2018, l'année dernière, ils ont sorti donc un nouvel album qui s'appelle Personnalité Suspecte Volume 1. Où là, ils ont un peu étonné tout le monde en arrivant avec des nouveaux sons. Ils ont posé sur de la trappe. Et je pense que ouais, c'est bien d'avoir justement essayé de s'être mis un petit peu voilà, au goût du jour, tout en gardant leur identité personnelle et à chaque fois les textes revendicateurs. Donc voilà, ben Sniper, c'est pareil. Vous les trouvez chez tous les disquaires, en vente partout, sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Donc vous pourrez aller voir. Et on va terminer ce soir donc, avec un son de leur nouvel album. Donc de l'album Personnalité Suspecte. Et voilà. Donc moi je vous fais un gros big up. C'était ma première ce soir. J'espère que j'ai pas trop bafouillé. Mais en tout cas ça fait bien plaisir. Ça s'est bien passé. Vous avez des trucs. Et voilà. Donc bonne soirée à tous les auditeurs. Et au mois prochain pour une nouvelle petite chronique de Jojo. Allez, bonne soirée à tous. Bonne soirée, ciao, mon ciao, gars. Jojo. Ah, il a fait ça. On va te préparer. Tu veux leur médaille, être un super héros, un peu comme le frérot Mamoudou Gassama. L'ascenseur social est en panne, faut grimper à la force des bravas. Au risque de sa vie, on est tous Adama, mais ils préfèrent nous voir amuser la galerie. Bon qu'à danser, si je suis trop bavard, on va me foutre un procès. Il y aura toujours un arbre pour cacher la forêt, des ch'tards pour te crosser. Les sombres dossiers au placard, hein, l'oseille du Qatar. Les campagnes financées qui a tué Muammar. La peine fait pas l'affaire des vendeurs de meuhard. Suivre le troupeau, direction l'abattoir. C'est soit s'adapter ou vivre comme un ermite Bernard. Mais pas les pieds dans ma zone interdite. Ben Allah est-il protégé par vos élites, hein? Est-il admis que les Arabes sont sémites? Les chefs d'État font des tweets. Les gens lambda font des clics et des likes sur les lieux du crime. Pense qu'à faire des lives, chacun dans sa cage, dans les lieux publics, joue de la solitude. C'est déconseillé des pudiques, on t'a dit c'est la hic, faut mieux faire ça chier. Suis-je bon qu'attendre la page? Suis-je le gardien de ma cage? Prisonnier d'un système manipulateur, Babylone, la putain du diable. Abrutissement des masses, pendant que l'épaule se déplace. Plus sous la peau, tu n'es qu'un numéro, plus facile de te suivre à la trace. Suis-je bon qu'attendre la page? Suis-je le gardien de ma cage? Prisonnier d'un système manipulateur, Babylone, la putain du diable. Abrutissement des masses, pendant que l'épaule se déplace. Plus sous la peau, tu n'es qu'un numéro, plus facile de te suivre à la trace. Tu l'as bâti avec du sang, que tu considères impur. Tu as pire, planche à billes, ton égalité, je suis plus très sûr, liberté, hein. Laisse-moi la prendre, même si sur place public on va me pendre. Je t'ai vu me vendre, valeur de ta république, je peux plus défendre. Parle-moi de ton corps noir, parle-moi de ton histoire. Sur la terre de mes ancêtres, y'a encore l'eau dans les limites de ton territoire. France et FA, s'il vous plaît, soyez francs. L'Afrique, c'est pas que Magic System ou Mbappé qui marque pour vous un coup franc. A carotti, à manger, génocide, armement, manipulation politique. Le continent qui est mis à vos yeux n'est qu'une vulgaire machination Afrique. Y'a de l'or au Mali, des dessous de table en Syrie. Exécution en Libye, Daesh, Boko Haram comme alibi. Je me méfie du moine et de son habit. J'ai ouvert tes livres, tes poussières et ton tapis. Sois franc-maçonnerie, ce sketch aux personneries. Souffrance de mes anciens coule encore dans mes veines. Tant que je continuerai de chercher la clé pour m'extirper de vos chaînes. Suis-je bon qu'attendre la page? Suis-je le gardien de ma cage? Prisonnier d'un système manipulateur, Babylone, la putain du diable. Abrutissement des masses, pendant que l'épaule se déplace. Plus sous la peau, tu n'es qu'un numéro, plus facile de te suivre à la trace. Suis-je bon qu'attendre la page? Suis-je le gardien de ma cage? Prisonnier d'un système manipulateur, Babylone, la putain du diable. Abrutissement des masses, pendant que l'épaule se déplace. Plus sous la peau, tu n'es qu'un numéro, plus facile de te suivre à la trace. Dur d'être résistant quand on te rend dans le carré vif. Tu veux les voir se chier dedans, suffit de parler de Palestine. Il a tellement baisé le peuple président, c'est Larry Flynn. Tu veux du rap piquant, et frérot c'est par ici. Tu restes hésitant, pourtant c'est évident. Oui, quand t'es migrant, bah y'a pas d'idylle. La main sur le palpitant, oui je suis bien c'est franc. Mais c'est mon continent que l'on décime. Les mains sont sales, ne sont pas très clean. Si tu n'as pas de race, je n'ai pas d'estime. Et rapper sans rage comme acheter des streams. Et la fin du monde, on en voit les signes. Et même jolie rose à quelques épines. On sème sur Azerty. Rebeu Renoir, on connaît la fin du film. Le diable s'éternise. Museler le musulman, doucement installer la tyrannie. Familiariser avec les puissants, ne fais pas grimper au sommet de la pyramide. Ne sois pas trop gênant, on t'éradique. Du coup les langues se paralysent. C'est déjà assez dur de nourrir sa famille. Tout se paiera à l'entrée du paradis. Ils veulent savoir si je suis Charlie. Je veux savoir qui est Jacques Attali. Visite les tiécars comme un safari. Au final je suis qu'un arabe en Paris. Suis-je le gardien de ma cage? Prisonnier d'un système manipulateur. Babylone, la putain du diable. Abrutissement des masses. Pendant que l'épaule se déplace. Plus sous la peau, tu n'es qu'un numéro. Plus facile de te suivre à la trace. Suis-je bon qu'à tendre la patte? Suis-je le gardien de ma cage? Prisonnier d'un système manipulateur. Babylone, la putain du diable. Abrutissement des masses. Pendant que l'épaule se déplace. Plus sous la peau, tu n'es qu'un numéro. Plus facile de te suivre à la trace. Suis-je bon qu'à tendre la patte? Radio Sud. La 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h minuit. Radio Sud.net. 101.8. Yes, t'es toujours sur la 25ème. Oui, tous les jeudis. Oui. 22h minuit, c'est chaud. Bon, on va essayer de faire assez rapide. Il y a les gars de la balistique qui sont là, qui sont chauds. Mais avant, on va faire un petit peu de promo pour les mecs d'ici. Donc je voulais commencer par faire un big up à mon gars Théo2S qui a sorti son projet En Fumette en streaming disponible. J'ai vu là dans la journée qu'il avait fait 1000 streams. Ouais, il donc, a fait 1000 streams. Il a 49 000 streams du disque d'or. Vas-y frérot. On t'envoie toute la sophore. On y aussi. Croit gros. On y croit, t'inquiète Vas-y. Pas. Bendo na bendo. Ouais, écoute, je vais envoyer Théo2S Verao 2018. Donc extrait de En Fumette. Comme j'ai dit en streaming, si vous voulez retrouver le son sur sa chaîne YouTube, c'est Théo2S, Théo comme le prénom, 2S, D-E-Z-E-2S. Et sur l'Instagram, c'est Théo2S-8 officiel. C'est parti, on envoie ça. Chaque année tu veux partir au bled. En fumette, y'a que mes rêves qui comprennent. Le sourire qui revient quand les tarifs. Coupe d'Europe 2016 dans ta théorie. Pour mes touga et mes grintés. De chez toi jusqu'au renté. J'lève mon verre à votre santé. On est trop pour être compté. A la base des bas, sur Sylvain Zemalia d'Amalouko. Toute l'année j'pense à me casser là-bas. Marc va mon rap se casser le dos. T'inquiète go, y'a la weed et l'alcool. Sur la piste, tu t'enjailles, bouge ton corps. C'est moi, toi, c'est je vais casser des portes. T'entends, je vais casser des portes. Oh la Linda, on t'accoste. Un vrai verre de sky, gros tacos. Ça grimpe à Calia qu'on arrose. Poche, vamos à faire, j't'attends d'un oeil. Doge, mille zoïs, t'es noce. Fumer la weed et passe là. Champion d'Europe de foot, ça. Manquerait plus qu'un mondial. Je roule la jointe ouverte, la fraise et les rouges, c'est les couleurs du plaid. Et Dosh, Dresh, Paladin, j'dis et Fest. Vamos au bar d'Arriber, fumar un provetal pour zapper l'hiver. Je ne porte os, n'oublie pas d'où ils viennent. Todos no quart con uma bandera. Faut pas toucher. Todos no quart con uma bandera. Faut pas toucher. Eddie. 17 pages intar, comme tous les jours d'agenda. En fumée, t'en change pas. Posé au studio avec MPK. Y'a des go qui twerk et mes rey coladas. Tu vas où t'aider? Moi je vais au Portugal. Eu te gosto muito coração. Não, não, c'est pas normal. Oh la linda, vem bailar comigo. pas normal. C'est pas normal. J'ai pas tout cher. I love you mucho. Je n'ai pas du cher. I love you mucho. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je te love mucho. Hola linda, ven bailar conmigo. Ven bailar conmigo. Hola linda, ven bailar conmigo. N'est pas moi, j'ai pas tout cher. J'ai pas tout cher. Radio la 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h minuit. Radio-Sud.net. 101.8. Ok, ok, c'était TO2S Verao 2018. Je vais balancer la suite. Je vais balancer la suite. Vas-y, vas-y. La suite, c'est le D Ace Freestyle, le D. Sa chaîne YouTube, c'est S.Records TV. Son Insta, c'est Lenny D Ace. L-E-2-N-Y-D-A-C-E. C'est un petit chez nous aussi, hein, qui opère, qui fait ses petits trucs avec Sazori aussi, qui est là, ils sont chauds, ils font leur bail. Donc je tenais à passer le morceau. Merci de nous l'avoir envoyé. On envoie ça directement. Gros, j'ai la Leda, moi je vais tout manger. Le but c'est de briller, remporter le trophée. Rien que j'ai écrit dans mon tel pour pouvoir m'acheter une chambre d'hôtel. 5 étoiles comme dans GTA. Les poulets sont grillés, tu cries à ras. Sur le doigt comme un Uchiwa. Le Glock a pour pourtant citer une masse. Le Glock a pour pourtant citer une masse. Glock a pour pourtant si tu dois du calme. Je m'arrêterai pas tant que j'aurai pas ma liasse. Ils finiront par comprendre qui je suis. Car depuis le début ils me sous-estiment. Car depuis le début ils me sous-estiment. Le Glock a pour pourtant citer une masse. Pourtant si tu dois du cas, je m'arrêterai pas tant que j'aurai pas ma liasse.